Il est 18h au studio de la radio Isanganiro. Bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière édition du journal La langue française de ce dimanche 2 décembre 2018, dont voici d'abord la charpente. 527 personnes composées de femmes, filles et enfants ont subi l'esclavage moderne vers les pays arabes, notamment au cours de l'année 2017. C'est le propos du président de l'association NLCT, Où est ton frère, qui appelle également le gouvernement burundais à prendre des mesures adéquates. À la une également de ce dimanche, l'Union africaine souhaite que le président de la République du Burundi soit présent au 20e sommet prévu en date du 27 décembre en vue de donner sa contribution personnelle, d'où l'ajournement du sommet qui était prévu pour le 30 novembre. Les conducteurs des taxis vélos demandent via leur association de lever la mesure qui leur interdit de dépasser les ponts et ils déplorent le mauvais traitement qui leur est réservé ces derniers jours où, selon eux, ils reçoivent des coups de fouet de la part de certains agents de la police. Vous l'entendrez également dans ce journal. Et dans la chronique et nutrition de ce dimanche, on nous parle de la culture des champignons. Et Metoussé Mitewoutse assure la mise en onde et Richard Kougarougla à la présentation. Et bienvenue encore. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir. L'Union africaine espère que le président burundais va apporter sa contribution personnelle au sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté est-africaine prévu le 27 décembre prochain. Dans une déclaration sortie ce samedi par Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine, il considère qu'il est crucial que toutes les parties s'abstiennent de toute mesure qui compliquerait la recherche d'une solution consensuelle à la crise burundaise. Elini Bernibigida a lu cette déclaration. Dans cette déclaration sortie à Addis Abeba, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, affirme qu'il s'était déplacé à Arusha en Tanzanie, à marge du sommet des chefs d'État de l'EAC, qui était prévu le 30 novembre, mais qui sera reporté. Il estime que ce sommet devait être l'occasion pour le facilitateur du dialogue inter-burundais de présenter un rapport sur ses efforts. Moussa Faki, dans cette même déclaration, dit saluer la patience et l'engagement de la médiation afin de trouver une solution durable et consensuel au conflit burundais et l'élaboration d'une feuille de route pour la tenue d'élections crédibles en 2020. Cependant, cette autorité de l'Union africaine se dit préoccupée par le dialogue inclusif à l'impasse avant de souligner que seul le dialogue inclusif pourra permettre au Burundi de surmonter durablement les défis actuels. Moussa Faki reste convaincu que, je cite, le numéro 1 burundais Pierre Nkurunziza apportera sa contribution personnelle à la réussite du sommet que la communauté de l'Afrique de l'Est envisage de tenir le 27 décembre 2018, fin de citation. Il appelle les acteurs concernés à s'abstenir de mesures, y compris politiques ou judiciaires, de nature à compliquer la recherche d'une solution consensuelle conformément à l'esprit de réconciliation nationale qui a sous-tendu l'accord d'Arusha d'août 2000 et les accords subséquents ayant permis de mettre un terme au conflit au Burundi, poursuit la déclaration. Le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, dans lequel le facilitateur dans le dialogue inter-burundais allait présenter le rapport du travail lui confié, devrait se tenir le 30 novembre précédent, mais a été reporté pour le 27 décembre prochain à cause de, ou grâce à l'absence du Burundi, qui avait demandé le report, expliquant qu'il n'avait pas encore été prêt. Merci à Eline Niber Nibigida. Passons de la coopération aux droits de l'homme. L'esclavage moderne s'observe au Burundi, comme le fait savoir le président de l'association ONLCT, Où est ton frère. Prime Mbarwokeye dit qu'ils ont déjà enregistré en 2017 527 personnes, dont femmes, filles et enfants, transportées vers les pays arabes comme l'Arabie Saoudite, Oman et ailleurs. Il demande au gouvernement de redynamiser et de sensibiliser les comités de protection de l'enfant ainsi que les administratifs locaux afin d'abolir le trafic des êtres humains. Prime Mbarwokeye le communique au moment où le 2 décembre, c'est la célébration de la Journée internationale de lutte contre le trafic des êtres humains. Suivez-le. L'esclavage moderne n'est pas seulement un vestige du passé, mais elle est actuellement une triste réalité, même au Burundi. En témoignent les chiffres dont nous disposons, parce que selon nos estimations de l'année écoulée, 2017, plus de 527 femmes, filles, garçons et enfants, dont 33 enfants d'entre eux sont tombés entre les mailles du filet du trafiquant à destination des pays du Golfe arabe, notamment l'Oman et l'Arabie saoudite. À marge de cela, 155 victimes avaient été arrêtées sur le chemin du trafic par les institutions publiques, l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, tout en condamnant avec toute sa dernière énergie l'esclavage moderne sous toutes ses formes, suggère au gouvernement de la République du Burundi de mettre à profit les bonnes relations diplomatiques déjà nées entre le Burundi et l'Arabie saoudite pour le rapatriement des victimes de la traite, de mettre en place la Commission nationale de concertation et de suivi de la problématique de la traite des personnes au Burundi, une commission qui se veut indépendante et qui n'est pas taillée sur mesure et qui n'arrange pas surtout le trafiquant, mais qui se soucie plutôt des droits fondamentaux des victimes et des survivants, de réviser le code des personnes de la famille ainsi que le code du travail burundais et substantiellement très lacunaire par rapport à la protection et à la promotion des droits de la femme pour les adapter au diapason des réalités essentielles du moment afin d'éviter à la femme la discrimination, le travail forcé de tous les jours dans le ménage, les violences économiques et qui la rendent très vulnérable, d'appliquer les lois nationales et les traités internationaux en ratifiant notamment la Convention de l'OIT sur les travailleuses et les travailleurs domestiques adoptée à Genève en 2011, car cette catégorie de la population burundaise, la plupart constituée des filles et des enfants mineurs, fait face à de multiples défis de redynamiser et de sensibiliser les comités de protection de l'enfant, les CPE, ainsi que les administratifs locaux sur la gestion des cas des enfants en situation de vulnérabilité et de risque afin de leur assurer un environnement très protecteur, les mettant ainsi à l'abri de la traite et de violences de tous les calibres, facteur favorisant de l'insécurité familiale et sociale, car nul ne peut comprendre comment la traite des personnes peut s'opérer par le trafiquant, au vu et aussi de certaines autorités administratives locales. Prime Mbarubukeye, il est le président de l'association ONLCT Où est ton frère. Page santé de ce journal, le taux de dépistage volontaire au VIH-Sida est allé en diminuant ces deux dernières années en province sanitaire de Rumonge. Le superviseur de santé qui donne ses précisions dit que c'est un taux inférieur à 20%, ce qui constitue un frein dans la lutte contre le Sida. C'est un reportage de Jean-Pierre Misago. Selon les données fournies par Justin Mutabazi, superviseur de la province sanitaire de Rumonge, l'effectif de ceux qui se sont fait volontairement dépister au VIH-Sida est allé en diminuant depuis 2017 et cela pour des raisons jusqu'ici inconnues. La couverture du test de dépistage au VIH est une couverture qui semble vraiment faible par rapport à la population totale de la province sanitaire de Rumonge. Si on fait une comparaison entre les deux années 2017-2018, nous observons une couverture de tests de 17,6% par rapport à la population totale en 2017, c'est-à-dire 85 419 personnes se sont fait dépister par rapport à la population totale de 384 106 en 2018. Et le taux de couverture du test de VIH est de 16,94% jusqu'à nos jours. Justin Mutabazi appelle la population de Rumonge au dépistage volontaire dans l'optique de tenter de stopper la propagation du VIH-Sida. Si on se dépiste, on a directement l'image de l'état de notre santé. Et là, on aura à voir comment se comporter. Et pour le couple, il faut quand même qu'il y ait fidélité entre les couples ou l'abstinence sexuelle. Une autre alternative en matière de prévention du VIH et surtout des autres infections sexuellement transmissibles, y compris les grossesses non désirées. La province sanitaire d'Rumonge compte parmi les provinces burundaises à taux de séroprévalence élevé avec 1600 personnes sous antirétroviraux. Le slogan choisi par l'ONU SIDA pour ce 1er décembre 2018 est « Connais ton statut », un slogan choisi afin de sensibiliser l'humanité à se faire dépister et connaître chacun son statut sérologique. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h10 au studio de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal avec la page Transport, l'association des conducteurs de vélos Sotavé Debout demande que ces derniers soient autorisés à exploiter les anciennes voies à mairie de Bujumbura comme avant. Amos Yavyarimana, le président, déplore le mauvais traitement qu'il leur est réservé ces derniers jours, ensuite jusqu'à recevoir des coups de fouet de la part de la police. Il déplore également que la décision d'interdiction a été prise unilatéralement sans être consultée et demande aux conducteurs de vélos d'obtempérer avant que le problème trouve solution. Suivez dans une traduction française de Placide Niyomongere. Nous avons été invités dernièrement par le commissaire municipal qui vient d'être remplacé dans une petite réunion qui n'a duré que 30 minutes, nous annonçant la décision. Mais personne n'a été permis de poser une quelconque question. Il nous a dit que la mesure tombe de dessus, arguant qu'il s'agit d'une décision qui entre automatiquement en vigueur. On croyait que la décision n'allait pas durer et que peut-être ça fait suite à une opération quelconque. Il nous a dicté également que nous ne sommes plus autorisés d'exploiter le boulevard du peuple Morondi partant du rond-point des Nations Unies, un boulevard qu'on exploitait à la normale, alors qu'on connaît déjà que la place interdite était le centre-ville seulement. Si Dunia Kawiga pouvait descendre jusqu'aux aguets de l'OTB, les autres jusqu'aux environs de la paroisse Saint-Michel, ou même continuer et dévier, si c'est en face de la PCR, vers la permanence. Pour le moment, nous sommes interdits, jusque même à nous priver de traverser les ponts de Nahangwa. Ils ont fermé tout alors qu'auparavant, ce n'était pas comme ça. S'ils pouvaient nous arrêter au moins, ça nous donnait des coups de fouet. Pour le moment, nous poursuivons des rencontres et même les vélos qui avaient été collectés ont été remis hier. Nous demandons qu'on nous autorise encore une fois d'exploiter nos anciennes voies. S'il y a un problème qui est survenu, d'en discuter pour trouver une solution. Mais en attendant, nous demandons à nos membres, conducteurs de vélo, de ne pas se jeter dans les pièges tendus, qu'ils patientent pour voir ce qui va suivre. À propos de ce sujet, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes indique que les conducteurs de vélos sont autorisés à opérer à l'intérieur des quartiers dont Bwiza, Buyenzi, Nyakabiga, Asiatique et dans la route dite Avenue du Large, sans pour autant franchir le boulevard du peuple Murundi menant vers le marché dit Kotebu. Cependant, Pierre Ngulitier rejette toute information faisant état des conducteurs de vélos qui sont frappés par les agents de la police et demandent à ces derniers d'user du professionnalisme dans la mise en application de la loi en vigueur. Les cultivateurs de la province Bubanza s'inquiètent de la chenille légionnaire d'automne qui sévit encore une fois dans les champs de maïs comme l'année dernière. Ils demandent aux spécialistes en matière d'agriculture de les aider à combattre ce fléau. À la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage et de l'environnement dans cette province, ils appellent les cultivateurs à la lutte mécanique à défaut des produits phytosanitaires appropriés. C'est un reportage signé Spes Caritas Cabañana. La chenille légionnaire d'automne sévit encore dans presque tous les champs de maïs, comme ça a été le cas l'année passée dans cette province de Bubanza, selon les cultivateurs contactés. La partie la plus menacée est la localité de la plaine de Gihanga, Manda et Muzinda, où la pluie est déficitaire, tandis que dans les contreforts de Musigati, Bubanza, Manda et Rugazi, ces chenilles s'affaiblissent suite aux pluies abondantes selon la même source. Les cultivateurs s'inquiètent des récoltes si rien n'est fait pour en finir avec ce fléau devenu cyclique dans les champs de maïs chaque année. Ils disent que tous les produits utilisés sont sans effet et qu'ils essaient de lutter encore en mettant de la terre, du cendre ou de l'eau dans les bourgeons des feuilles qui s'ouvrent. Et à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza, on explique que les cultivateurs devraient préconiser d'abord la lutte mécanique en mettant de l'eau ou de la terre dans le bourgeon des feuilles, rassembler ensuite ces chenilles et les brûler, et par après procéder à la pulvérisation avec des produits phytosanitaires comme le spermétrine, orton et durisban qui détruisent alors les œufs de ces chenilles. Spes Caritas Kabañana, Bubanza, Radio Isanganiro. De l'ouest au nord-est du Burundi, les évaluations des écoliers des trois premiers degrés du fondamental sont désormais choisies par réseau d'écoles en direction communale de l'enseignement à Muyinga. L'enseignant n'aura pas droit à corriger les copies de ses propres élèves. C'est une stratégie arrêtée pour éviter le laxisme de certains enseignants des trois premiers degrés qui ne fournissent plus suffisamment d'efforts sous prétexte qu'il n'y a plus de concours national pour tester leur performance. C'est un reportage de Dieudonné Zeyman. La direction communale de l'enseignement à Muyinga rencontre ces jours les enseignants dits fondamentaux et les directeurs en évaluation des résultats scolaires. Les rendements ne sont pas satisfaisants, notamment dans le quatrième cycle de la 7e, 8e et 9e année. Les résultats au concours national montrent la vraie image de la qualité de la formation dispensée dans chaque école. Les enseignants du 4e cycle rejettent la responsabilité à ceux des cycles inférieurs de la première année à la 6e année. Depuis que le concours national est passé après la 9e, certains enseignants brillent par le laxisme et font la promotion de masse en faisant avancer de classe des enfants sans niveau requis pour affronter les cours de classe du 4e degré. Le pire s'observe en 6e ou par endroit. Sur une dizaine de leçons de français, seulement 2 leçons sont dispensées par des enseignants évoquant le problème de chevauchement des programmes. Le directeur communal de l'enseignement à Muyinga a décidé que désormais, les examens seront faits par réseau scolaire, ensemble d'établissements approches. Les directeurs choisiront les examens. L'enseignant aura corriger les copies autres que celles de ses élèves. Jean-Baptiste Bassomingela, directeur communal d'enseignement, estime que ce sont les évaluations externes qui permettent de détecter la vraie qualité de l'enseignement. De Muyinga, Dieudonné Zeyimana pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La culture des champignons ne se fait pas à l'air libre, mais plutôt dans de petites maisonnettes couvertes de paille pour avoir de bons rendements. Prosper Kiyoku, chercheur à la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie de l'Université du Burundi, explique les substrats composés des restes des récoltes que ça constitue la matière première utilisée dans la culture des champignons. Une fois semés, 2 semaines suffisent pour avoir les premières récoltes selon ce chercheur qui dit également que les champignons sont cultivés n'importe quel moment de l'année. Plus de détails, c'est dans cette chronique nutrition avec Vestine Boutoui. Comme promis lors de notre chronique récente, aujourd'hui, Prosper Kiyoko, chercheur à la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie de l'Université du Burundi, nous parle de la myciculture, qui est la culture des champignons. Il explique que cette culture n'a pas besoin du sol comme tant d'autres. La culture des champignons, c'est une culture qui se fait sous abri, dans de petites maisonnettes en dur ou en bois couvertes de paille. Et la matière première, la terre que nous utilisons pour la culture des champignons, c'est plutôt les restes des récoltes. Donc, une fois qu'on a récolté du haricot, par exemple, les fans de haricot, nous les découpons en menus morceaux et c'est ça qu'on utilise comme matière première pour la culture des champignons. Les champignons peuvent se cultiver à l'air libre, mais leur substrat de base, ce n'est pas la terre, mais c'est plutôt la matière organique morte. L'avantage de cultiver les champignons dans des maisonnettes est que la récolte devient meilleure parce que les termitières sont à l'abri des intempéries et du soleil, ajoute-t-il. Comparativement aux autres cultures qu'on connaît ici au Burundi, la culture des champignons est celle dont le cycle est le plus court. À titre d'exemple, lorsque vous faites le semis aujourd'hui, au bout de 2 semaines, le substrat est complètement envahi par le mycélium et le substrat commence à produire des champignons. D'autre part aussi, c'est que une fois que vous avez récolté sur votre substrat de champignons, vous le laissez et au bout de 2 autres semaines, vous faites une deuxième récolte. Au bout de 2 semaines encore, vous faites une troisième récolte, de telle sorte que à la fin, le rendement est vraiment très élevé. Prosper Kiyoko indique qu'il n'y a pas de saison spécifique pour la culture des champignons. Les champignons sont qualifiés à ce titre de culture non saisonnière. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas de saison, que ce soit en saison sèche, que ce soit en saison pluvieuse, qu'il pleuve, qu'il y ait des inondations, le myciculteur n'est vraiment pas concerné par les changements climatiques. Les semences des champignons sont disponibles en l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, mais aussi dans les laboratoires de la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie. Merci à Vestine Boutoyi pour cette chronique et c'est par ici que nous mettons un point final à la présentation de ce journal. Merci à vous tous qui étiez à l'écoute. Merci à Toussaint pour sa mise en onde. Richard Kouguarugila à la présentation et je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de la radio Sanganilo, la radio qui vous informe en temps réel. Bye bye.